En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 143 rue Dequin à Dolbeau-Mississigny, au numéro de téléphone 88-276-9383 ou le remorque2000.com. Ici, Yannick Saint-Pierre, directeur général de Jean Dumas Ford. En mon nom personnel et des employés de Jean Dumas, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et de bonne année. Merci pour la confiance témoignée pour l'année qui se termine. Soyez prudents et au plaisir de vous revoir en 2016. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mississigny, au numéro de téléphone 88-276-8080. Il y a plusieurs nouvelles dans le monde de ce qui a trait la traversée internationale du lac Saint-Jean. D'abord, on n'a pas parlé la semaine passée, on a cité le quotidien, mais Ginette Fortin mentionnait qu'elle voyait quand même pas nécessairement de mauvais oeil que Manfred Magog ait abandonné la traversée. Il y a également la nomination d'un nouveau directeur général, quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut Ginette! Ginette, on est à 3 jours de Noël, mais on a l'impression qu'on est à 3 jours de la traversée parce qu'il y a plusieurs nouvelles entourant la traversée. Oui, effectivement. Donc, on finit l'année en parlant de nage, puis le lac n'est pas joué. Ouais. Donc, approprié, même s'il est très froid, mais il n'est pas... Effectivement. Si on y allait maintenant avec la première nouvelle, on t'a pas appelé quand ça a sorti, mais quand même, toi, tu vois, de ce que j'ai pu voir dans le quotidien, tu vois pas d'un mauvais oeil le fait que Manfred Magog ait abandonné la traversée? Ben, écoute, je ne peux pas dire que je vois pas d'un mauvais oeil, mais c'est parce que l'an passé, bon, ils se sont retirés du circuit, ouais. Donc, compétitions qu'ils ont présentées, c'était seulement des compétitions amateurs. Fait que c'est comme s'il n'y avait pas de traversée. Là, il y a vraiment rien du tout au calendrier pour 2016. C'est sûr que nous autres, on travaille pour promouvoir la nage en eau libre. Fait que on aurait souhaité que Magog soit là, c'est bien évident. Puis plus on est de joueurs, bien plus on promouvoit la nage, puis on attire peut-être de meilleurs nageurs, ou en tout cas plus de nageurs. Écoute, moi, je trouve ça très triste. Je trouve ça triste pour Magog, mais je trouve ça triste pour la natation. Le fait qu'il n'y ait pas aucune compétition de nage en 2016 à Magog. Mais pour nous, écoute, on ne sait pas vraiment l'impact que ça va avoir. En 2015, ça n'a pas eu d'impact. Est-ce que ça en aura en 2016? On ne se le souhaite pas, évidemment, mais on va le savoir rendu à ce moment-là. Puis, il y a une chose qui nous avantage peut-être. En tout cas, ça nous avait avantagé en 2012 lors de la présentation des Olympiques au mois d'août. Ouais. Nous autres, ça nous a amené un achalandage de nageurs plus important parce que ils venaient faire comme une étape, ils venaient faire une pratique, autrement dit, un entraînement à Robertval. Et selon le calendrier des compétitions olympiques cet été, on devrait être avantagé. Mais est-ce qu'ils vont choisir de faire comme en 2012 et venir à Robertval avant de s'en aller à Rio? Ça, on va le savoir juste au mois de juin. Mais ouais. Pour nous autres, c'est pas possible de le savoir avant. Là, mais il faut quand même avoir un plan, j'imagine. Parce que là, vous dites, oui, les Olympiques en 2016 au Brésil, sauf que les Olympiques, c'est aux 4 ans, normalement. Donc, il va falloir travailler quand même à court ou moyen terme pour vraiment, là, peut-être mousser davantage. Est-ce que le marathon de la relève, c'est à ce moment-là que ça devient plus important? Non, moi, je pense que nous autres, notre compétition culte, ça va toujours rester. Non, mais je te parle pour promouvoir, et assurer la pérennité du 32 km. Tu sais, il va falloir que le marathon de la. Va falloir travailler beaucoup sur la relève, évidemment, pour qu'il y ait plus de nageurs, quoi. Bien, c'est sûr, puis c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Cette année, on a instauré la Coupe Espoir Canada. Okay. On avait trois compétitions. On avait Magog, il y avait Mégantic et il y avait nous autres. Là, en 2016, c'est sûr qu'il va falloir trouver une alternative à Magog. Parce qu'organiser une coupe espoir avec des pointages sur trois compétitions, c'est correct. Mmh. Il fallait que les nageurs participent à deux. Là, le faire juste à deux, ben, ça perd un peu peut-être de l'intérêt, je ne sais pas. Là, il faut se repencher là-dessus, mais on va parler de ça là, en janvier. Là, en tout cas, cet hiver, là, ça va être sur la table à dessin, là, c'est sûr. Puis, on va jaser avec Mégantic, on va regarder est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le lac Adjim, on le sait. Ouais. On a aucunement parlé aux gens, là. Fait que, va falloir se rasseoir, là. Puis on attendait d'avoir, effectivement, une direction générale aussi, donc, okay. Pour entreprendre des démarches. OK. Est-ce que, justement, est-ce que, à ta connaissance, il y a Mégantic, mais est-ce que Manfred Magog, c'est pour toujours ou il y a des chances? C'est sûr que quand on annule, tout simplement, c'est bien dur à repartir la machine. Mais est-ce que Magog ou d'autres villes pourraient s'intéresser à présenter une traversée de 32 km? Ben, peut-être, mais tu sais, tant que Magog n'aura pas de compétition en 2016, c'est le manque de bénévoles. Les autres, ça fait quelques années qu'il n'y avait pas de directeur général. Donc, c'était tout du bénévolat ce qui se faisait. Puis c'était toujours les mêmes gens, puis il y avait de la misère à avoir des bras de plus, comme on dit. Fait que c'est la lourdeur de la tâche qui a fait que là, les bénévoles ont dit, écoute, nous autres, on peut pas à nous seuls tenir cet événement-là à bout de bras. Là, ben, ils ont bien mentionné dans leur communiqué qu'ils souhaitent transférer les actifs à un comité qui voudrait bien prendre la relève. Sinon, en septembre 2016, ils tout simplement la corporation là, de la traversée internationale de Magog. Écoute, nous autres, on ne le souhaite pas. On souhaite vraiment qu'il y ait des gens qui reprennent ça. Mais moi, je suis quand même assez optimiste dans ce sens-là. Moi, je me dis que il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont dire, ben écoute, ça n'a pas de bon sens de laisser tomber ça. Ça fait 38 ans que ça existe, il faut le conserver. En tout cas, moi, je ne perds pas espoir. Mais on verra si... J'avais raison l'année prochaine. OK. Donc, on va suivre ça de près également. Autre dossier, Jérémy Bonneau, votre nouveau directeur général. Absolument. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidatures au départ? Oui, on a eu beaucoup de candidatures. On a eu beaucoup de bonnes candidatures aussi. Notre comité de sélection, on a travaillé fort parce que on avait de belles candidatures et de ça, fallait en ressortir un certain nombre pour passer les entrevues. Et à la fin, bon, on est resté avec deux personnes. Et on a eu un processus qui a été long, puis on ne l'a pas fait. On ne l'a pas pris à la légère. On ne prend jamais ces décisions-là à la légère, c'est sûr et certain. Mais on a vraiment bien réfléchi, puis on a trouvé en Jérémy, bien, une grande partie des compétences et des qualifications qu'on recherchait. Puis c'est pour ça qu'on pense, en tout cas, que ça va être que c'est la meilleure personne là, dans toutes les candidatures qu'on a reçues pour occuper le poste de directeur. Qu'est-ce que vous recherchiez davantage? Est-ce que c'est vraiment un gars qui connaît le tabac, qui connaît la nage en eau libre? C'était quoi les critères qui vous intéressaient le plus pour cette candidature-là? Bien, en réalité, les principales qualités qu'on recherchait, les qualités innées chez la personne, c'était d'avoir un leadership mobilisateur parce qu'on travaille avec beaucoup de bénévoles et les bénévoles sont excessivement importants pour l'organisation. Que ce soit quelqu'un qui soit bien sûr habile en communication, un sens de la planification et de l'organisation assez aiguisé et une capacité d'adaptation parce qu'on sait... On organise des événements, que ce soit les festivités, la programmation festive, culturelle, que ce soit les compétitions. Il arrive un événement à dernière minute, il faut sortir de bord. Fait que la capacité d'adaptation était quand même important. C'est sûr que connaître le milieu de la natation, c'est pas négligeable. C'était pas nécessairement un prérequis, mais ça facilite la tâche de la personne quand tu connais le monde de la natation, c'est sûr, là, parce qu'il y a un grand bout de chemin qui est fait. Mais c'est pour lui, ben, à partir du 4 janvier, ben, c'est un nouveau travail. C'est un peu comme quand on sort de l'école et qu'on s'assoit sur la chaise, peu importe le poste. C'est jamais exactement comme dans les livres, on a à travailler pour s'ajuster à la situation. Mais je suis confiante que Jérémy va très bien s'en sortir. OK, OK. Est-ce que le fait qu'il a été bénévole 10 ans, c'est, vous connaissiez, là, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse à ce qui a trait la nage en eau libre, ça a dû aider aussi. C'est un bébé un peu de la traversée aussi, là. Avoir un bénévole qui connaît l'organisation, qui travaille au sein du comité, c'est sûr qu'on l'a vu aller aussi là, au cours des dernières années. Fait que ça nous donnait une idée un peu de la personnalité de l'individu qu'il était. Mais c'est un ensemble, c'est un comité de sélection. Puis dans notre comité de sélection, il y avait des gens qui ne connaissait pas Jérémy, qui ne l'avait pas nécessairement côtoyé au sein de l'organisation. Donc, c'est un paquet de facteurs qui ont fait en sorte qu'on est arrivé à ce choix-là ultimement. OK. 27 ans, donc, qui est le nouveau directeur. Si tu permets, Ginette, il y a beaucoup de publicité. On va aller à la pause, puis dans quelques instants, je veux te parler de l'Assemblée générale qui s'en vient très, très bientôt. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Ginette Fortin, la présidente de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Ici Sylvain Rouleau, directeur de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur de la Caisse populaire des Jardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période d'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année. Que 2016 vous apporte bonheur, santé, prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbaume-Cessier, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbaume-Cessier au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour. Ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. Les propriétaires de Métaux GBL, M. Régent et Rénal Guillemette, ainsi que toute l'équipe, désirent souhaiter à toute la population un très joyeux Noël et une bonne année. Que cette période propice au rassemblement vous rapproche les uns des autres. Ce sont les vœux de Métaux GBL situés au 550 Adélard-Gagnon dans le secteur de Dolbeau. Métaux GBL est une entreprise qui n'a pas fini de grandir et qui a investi près de 3 millions de dollars dans le milieu, amenant ainsi d'importantes retombées économiques. Métaux GBL au numéro de téléphone 418-276-6102. Ici Normand Lafrenière, gérant des ambassadeurs de Chibougamau. À mon nom personnel et du bureau de direction des ambassadeurs de Chibougamau, il me fait plaisir de souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous nos partisans. Paix, bonheur, santé et prospérité, ce sont les vœux des ambassadeurs de Chibougamau de la Ligue de hockey midget régionale. On est de retour à donneurdesport.com. Ginette, il me reste un point que je veux traiter avec toi, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui aura lieu le 7 janvier. Y a-t-il une raison particulière pourquoi que vous l'avez reporté? Normalement, c'était avant la période des fêtes, hein? Oui, puis c'est tout simplement parce que toute notre année financière termine le 30 novembre. Okay. Faut que nos vérificateurs aient le temps de faire toutes les vérifications et préparer le projet d'état financier. Ils l'ont présenté à notre conseil d'administration le 15. Mais là, tenir une assemblée générale cette semaine, ça a comme un bon sens. L'année passée, elle était vite, je pense. Et Puis, on a de la difficulté à avoir des gens. Puis, honnêtement, pour le, administrativement, les bureaux sont fermés là, jusqu'au 4 de janvier. Fait que ça change rien qu'on fasse l'Assemblée générale avant ou après les fêtes. Fait que c'est tout simplement pour ça là, qu'elle a été reportée. On s'en va vers quoi? J'imagine que ça va être assez positif encore le bilan cette année? Ben, écoute, je veux pas. Ouais. Je vendrai pas aujourd'hui, mais je pense que finalement, malgré que Dame Nature n'a pas été toujours de notre bord, on devrait s'en sortir. Bon, ben, Ginette, il me reste qu'à te souhaiter de joyeuses fêtes. Beaucoup de santé, de bonheur et peut-être encore une fois que ce nuage noir sur la nage en eau libre se disperse un peu. Oui, ben ça serait vraiment apprécié. Puis je te remercie beaucoup pour tes vœux, puis je te transmets à toi et à tes auditeurs une joyeuse période des fêtes. Profitez-en et amusez-vous. Ginette Fortin, la présidente de la Traversée internationale du lac Saint-Jean.